cours numéro 12. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Akhadna fi d-darsi sabiq ma yata'allaq bi al-mirath. Intiqal al-mal wa tarikat ba'd al-mawt. Hakadha qala al-imam al-shaykh Sa'di rahimahullah. Fi al-mithal al-ashir. فلماذا رحمة الله عليه ذكر هذا المثال في رسالته النافعة أي في محاسن الدين الإسلام c'est quoi le lien entre الميراث الميراث c'est l'héritage et محاسن هذا الدين تفضل أخي لا بس شيء آخر الإسلام قد أعطى لكل واحد من الأسرة حقه نعم أن الإسلام أعطى لكل واحد من أفراد الأسرة حقه هذا سمت محاسن هذا الدين contrairement il a cité comme exemple la période où on avait cité نحن من كلام ابن كثير كذلك من كلام الشيخ سعدي dans son tafsir أن avant l'islam في الجاهلية وإلى الآن ceux qui n'appliquent pas l'islam ou qui s'écartent de la sunnah, fa'il al-an, ils sont injustes envers certains membres de la famille via hadalbab, via bab al-mirath. Fa'ba'dhum, ils donnent pas l'héritage à leur fille, ba'dhum, ils donnent pas la part qu'il faut. Wa ma'loum, toutes les mashakil qu'il y a dans ce bab. Fa'l-shir Sa'di, rahmatullah alayhi, nous montre anna hadad-din al-azim, cette mas'ala muhimma, l'héritage, ay, quand un muslim, il décède, et il délaisse des biens, enfin, l'islam, ce din azim, il nous démontre exactement qu'est-ce qu'on doit faire avec ce mal. Enfin, Fulan, il a rien du tout, liannahu, il fait pas partie des proches, wa hakala. Al-Qisma, les ma'roufa, on avait dit, fait kutub al-fiqh, il y a un partage précis, le père, ou la mère, ou la femme, ou le fils, chacun a une part précise. Enfin, c'est ça le but de Sheikh Sa'di, rahmatullah alayhi. Pour te montrer, dans ce din, il n'y a pas de dhulm, il n'y a pas d'injustice, peut-être. Ceux qui sont injustes, c'est ceux qui s'écartent de ce din. فَلِهَذَا الْكُفَّارِ وَمَنْ تَأَثَّرَ بِهِمْ فِي هَذَا الْبَابُ وَفِي غَيْرِهِ ils ont du dhulm. وَهَذَا c'est ma'ruf. نعم, كذلك il a cité الوصية بالمال. قال وَجَعَلَ الشَّارِعِ لِلْعَبْدَ أَنْ يُوصِي فِي جِهَاتِ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى بِالشَّيْءِ بِالْمَالِهِ فَكَمْ combien il peut donner autre que na'am lakin c'est pas l'héritage hada c'est autre na'am c'est une sadaqa il a de l'argent avant de mourir il décide de faire une sadaqa fa fi hada al-hal combien na'am maximum al-thuluth wal-thuluth kathir qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa li hada ibn abbas radiyallahu an qala il préférait al-rubu' lian an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit al-thuluth kathir donc il est descendu al-rubu' le quart. Al-Muhim, pourquoi Cheikh Saadi a cité cette mas'ala? Ici? Il a cité l'héritage, taqaddam. Pourquoi il a cité le wasiyya? Ay, bi shay'in min al-mal? Hein? Afin de ne pas laisser sa famille dans. Bil-arabiyya, quelques mots. Ida stata'at. Afin de ne pas laisser sa famille fi maada? La-bud an. Hein? Li-zawjou. Na'am, li-zawjatih wa li-awladih. أما si ça ne serait pas limité comme فعل النبي صلى الله عليه وسلم il a limité au ثلث أي au tiers فربما واحد avant de mourir il صدق tous ses أموال et il laisse ses enfants بلا شيء là ça peut arriver il y a eu un problème entre eux ou avant de mourir il voulait faire tellement de خير que il a tout صدق وهذا لا فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم comme on avait cité le hadith il a démontré qu'il vaut mieux laisser ses enfants avec cet argent que faire sadaqa et les laisser sans rien. Thumma, ils font la manche. Hada, ça nous montre que ce din est fondé sur al-rahma wa al-adl. Al-thuluth wa al-thuluth kathir, dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innaka intadar warathatak agniya, warathatak a été proche, ceux qui méritent l'héritage. Que tu les laisses agniya, avec cet argent, خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. عالة أي الفقر. يتكففون الناس أي يفون مانش يدمونت. فأحسن بل سواجب على الأب أو على هذا القريب كن باغ الغست فيغ لي بروش. أما الثلث لتيغ فهذا يجوز له. السيد أنا بو موا فطيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. لو تيغ لو تيغ سي بوكو. هذا سانو مونتخ أن هذا الدين إلي فوندي ولله الحمد سوغ الرحمة والعدل. لماذا؟ لأن سدين الله. والله سبحانه وتعالى سي أرحم الراحمين. فأنا با بوزوان دو أوتخ شوز. أوتخ شوز كو هذا الدين. نعم. ميم سي زابيل سا سي بور لا ليبرتي سي بور ليكاليتي تو سا سي باطل. الحق et la justice c'est fidinillah. Mais tout ce qui contredit هذا الدين c'est min al-batil. هذا c'est مهم que chaque musulman il comprenne هذا. On ne doit pas avoir de doute. لماذا؟ لأن هذه الشريعة que ça soit tout ce qui est lié à l'héritage ou autre, c'est fondé sur al-rahma. كما قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Donc on ne doit pas avoir de doute. Et on doit faire attention à حرب الكفار في هذا الباب أنهم يسعون de faire croire أن هذه الشريعة y a pas d'égalité خاصة envers la femme et يطعنون ليل نهار avec des mensonges en déformant en utilisant des منافقون qui s'apparentent à هذه الأمة كذلك ils utilisent بعض أهل الأهواء et بعض المسلمين tu trouves ربما يضعف et ils pensent أن الخير أو السعادة أو هذه الشريعة لا pas compatible. نعوذ بالله. Elle est compatible que ça soit tout ce qui est lié à l'héritage أو mariage أو tout les عبادات les معاملات. هذا الدين il est compatible. لماذا؟ لأن celui qui l'a révélé c'est Allah عز وجل. Et Allah سبحانه وتعالى c'est العليم c'est الخبير. Est-ce qu'on va délaisser نحن الآن؟ عياذا بالله. On va délaisser هذه الشريعة السمحة. C'est min wahi Allah azza wa jal, al-karim, al-rahim, et on va prendre, ou on va croire que al-anzima, tout ce que les bachar ils ont inventé, autre que cette sharia, que ce soit pour l'héritage ou autre, on va prendre hadha li annahu c'est afdal min dinillah, na'oudu billah. Tout ça, ça revient fil haqiqa à ce qalb, comme on avait dit, le mu'taqad al-sahih. Et husn al-dhan billah, celui qui a une aqidah sahiha, et il a husn al-dhan bi rabbil alamin, la shak annahu il délaissera jamais shari'at Allah Azza wa Jal pour autre chose. Ça montre ceux qui délaissent, ou qui ont des interprétations ba'idah jitten, ils ont un marad fil qalb. Qu'ils le veuillent ou non, ils ont un marad, na'oud billah. Le but de cette risala, c'est d'enlever ce marad. Cheikh Sa'di al-An, il te montre avec des amthila, wallahi alhamd, on est arrivé au dixième, il te montre أن هذا الدين il est fondé sur العدل والرحمة. Il te cite des exemples pour te montrer. الآن si t'écoutes بعض الكفار فكأن هذا الدين c'est de la barbarie. Il n'y a aucun حق pour la femme, pour l'enfant, pour le vieux. Il n'y a aucune رحمة, aucune miséricorde. هكذا هم ils essayent de faire passer et ils inventent des choses. أنه c'est du radicalisme, أنه كذا. ثم ils essayent de donner البديل. هكذا الكفار يحارب الحق ils essayent de donner quelque chose pour remplacer et cette chose qui remplace c'est du batil ce qu'ils appellent l'islam de la république l'islam de France tout ça c'est pas min dinillah azza wa jalla abadan l'islam c'est islam al quran wa sunna c'est ça l'islam اما un autre islam et lui donner le même nom فلا هذا c'est مهم فالشيخ سعدي رحمه الله عليه te cite avec des adillah avec des exemples clairs ان هذا الدين si tes objectifs étaient justes et tu veux avoir un jugement véridique sur هذا الدين t'étudies مثل هذه الرسائل. نعم. فالآن tout ce qu'on a lu et cité dans le dars précédent sur l'héritage, est-ce que c'est fondé sur l'adl ou al-rahma ou al-hikma? La shak. Chacun il a sa part. On a démontré pourquoi certains ils ont une part plus grande que les autres et tout ça c'est fondé sur al-rahma ou al-adl. نعم. C'est ça le but. Sallallahu subhanahu wa ta'ala al-i'ana hatta on puisse finir tous les amthila. Qala al-shaykh Sa'di rahimahullahu ta'ala al-mithalu Al-Hadi Ashar, le 11e exemple. Ma ja'at bihi al-Sharia al-Islamiyya min al-Hudud wa tanawwu'iha bi hazb al-Jara'im. Et كذلك, c'est une mas'ala importante. Al-Hadi al-Din, par rapport aux Jara'im, al-Jara'im c'est les crimes, les délits, par rapport à ce crime, à ce délit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité des sentences, ça s'appelle al-Hudud. Le pluriel de had. Al-hudud, huna, c'est les sentences. Aïe, les peines. Pour celui qui a volé, il se fait couper la main. Pour celui qui a fait l'adultère, tel hukm. Pour celui qui a tué, tel hukm. Cheikh Sa'di, rahmatullah alayhi, min fiqh, et a'immatul islam, ils sont ala hada, annahum issit ses hudud, fi mahasin ad-din al-islam. Ses hudud, ses peines. Ces sentences que certains min a'da illahi azza wa jal, ils essayent de démontrer annahu c'est de la barbarie, annahu comment ta'lamoun a'immatuna, ils nous démontrent anna hada c'est min ar-rahma, et c'est un fadl azim pour le muslimin. Qala rahimahullah, ma ja'ad bihi al-shari'atu al-islamiyya min al-hudud wa tanawwu'iha bihasb al-jara'im. Et min al-hikma, min hikmatillahi azza wa jal, anna c'est pas les peines, elles ne sont pas toutes pareilles pour tous les crimes. Là, il y en a, les crimes, ils sont différents. Les délits, ils sont différents par rapport à la gravité, par rapport aux conséquences. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque crime, chaque jarima, elle a une sentence qui est proportionnelle au crime, par rapport à la gravité, etc. Hada, c'est muhim. Qala rahimahullah, wa hada li anna al-jara'im wa ta'addi ala huquqillah وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام. Ça, ça te montre أن ces حدود, c'est pour préserver les biens des عباد. ففي الحقيقة ces حدود, c'est une rahma pour le mu'min ou le kafir. C'est une rahma pour tout le monde. لأن avec ces حدود, celui qui veut faire du ظلم, celui qui veut injustement s'emparer des biens d'un autre, alors que ce n'est pas les siens. Il veut prendre son argent, il veut prendre sa voiture, il veut prendre sa vie, il veut le tuer, il veut être injuste envers lui. Ces hudoud, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a révélés à son messager pour que ça bloque à ha'oula. L'yanna kama sayati, celui qui veut voler et il sait qu'il risque de se faire couper la main, il va réfléchir plus d'une fois avant de voler. C'est ça al-hikmah. Donc il faut regarder les conséquences. Wa'aduhum, Robama, ils combattent le hudud pour défendre Ha'oula. Et c'est des criminels. Il a tué, il a volé. Et ils veulent le défendre et ils regardent que sa situation à lui. Ils ne regardent pas ce père de famille qui s'est fait voler ses biens. Ou cette mère de famille qui a perdu son enfant. Il s'est fait tuer injustement. Ils ne regardent pas ce côté. Léana, si on dit qu'il ne faut rien lui faire, Aïminal, hudud et les peines, il ne faut pas les appliquer sur lui. Farobama, c'est l'échec, c'est une injustice envers les proches de celui qui a subi ce crime. Lakin hum, il regarde d'un côté. Amma notre din, vu que c'est un wahi min Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam kul shay. Et vous verrez que dans ce had, c'est une rahma pour celui qui a commis le crime et pour celui qui a subi le crime. Les deux. C'est une rahma pour les deux. Mathalan, il a volé, il s'est fait couper la main, bien sûr, à partir d'une certaine somme. Fahada, c'est une rahma pour tout le monde. L'imam Aliana, avec cette sentence, ça va minimiser les vols. C'est pour ça que les pays qui appliquent la sharia, que al-mamlaka al-arabiyya al-sa'udiyya harrasaha Allah, azza wa jal, tu trouves que le vol il est qalil jiddan par rapport aux autres pays qui n'appliquent pas cette sharia. Pourquoi? Il y en a, celui qui vole, il sait qu'est-ce qu'il risque. Donc c'est une rahma pour la population. Anna, il y a beaucoup moins de vols. Contrairement à certains pays, ils volent. Robama, la peine qu'ils vont lui donner, quelques mois de prison. Robama, ce qu'il a volé, ça l'arrange, ou il va faire quelques jours, quelques semaines, quelques mois en prison. Thumma il sort et il a une somme qui va lui être, entre guillemets, utile pour longtemps. Donc, pour lui, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Le séjour en prison, pour lui, ce n'est pas trop grave. Il y en a ce qu'il va gagner, ou ce qu'il prétend gagner, pour lui, c'est plus important. Donc, les biens ne sont pas préservés avec cette tariqa. Donc, al-had, c'est une rahma pour la population. كذلك سيون رحمة pour le voleur. سياتي معنا أن celui qui subit un had, c'est une kafara là. Kafara لذنبه. أي الله سبحانه وتعالى lui pardonne. لماذا؟ لأنه il a payé. أي il a eu une faiblesse, il a volé, il a fait du mal, et il a payé في الدنيا, il a perdu sa main. فعند الله عز وجل il a payé. C'est une رحمة pour lui. Amma à ceux qui prétendent défendre les droits de l'homme, défendre les droits d'un tel, est-ce que Yawm al-Qiyamah, ils vont être utiles? Celui qui va être utile pour ce voleur, Yawm al-Qiyamah, c'est cette peine, c'est pas cette défense. Et c'est ça qui est important là. Ils prennent le sujet, ils ont entendu les médias dire telle chose, et ça c'est min al-jahl. Nous, les musulmans, on revient aux sources. Et on va lire Kalam al-Shir Sa'di et on lira d'autres choses pour te montrer, ayyuha al-Muslim, anna mitl hadhihi al-masa'il, il faut revenir aux sources et à ahl al-ilm. Reviens à tes savants. Reviens aux sources. Ce Coran que t'aimes, ce Coran que t'as la croyance en nahu, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce Nabi que tu aimes. Reviens à ces sources pour comprendre. Amma tu délaisses tout ça. Et tu veux comprendre par l'intermédiaire des ennemis d'Allah Azza wa Jal, ils ne veulent pas notre khayr, abadan. Dans l'application de la sharia et autres, ils ne veulent pas notre khayr. قال الشيخ سعدي رحمه الله وهذا لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام. يخل بالنظام أي ça désorganise, ça déstabilise un nizam. Un nizam أي la population, le système, tout ça, ça le déstabilise s'il n'y a pas hal. Il y en a, il va y avoir des injustices, et c'est ce qui se passe là. Dans des pays, dans des endroits, dans des villes, dans des quartiers, dans des rues, par Obama, tu ne peux pas rentrer. Il y en a zulm. Par Obama, tu te fais tuer, tu te fais blesser, tu te fais voler. Ils ne te connaissent pas, tu ne les connais pas. Là, qu'ils zulm. Les ma'avali, il n'y a plus cette sharia pour donner à chacun son haq. Le haq au da'if, et كذلك, celui qui veut faire du dhulm, lui donner la sentence, la peine qu'il mérite. قال رحمه الله ويختل به الدين والدنيا. نعم. Les choses, elles sont plus à leur place. حتى, ils inventent des choses, soi-disant pour combattre la délinquance, les meurtres, l'alcoolisme, tout ça. Et في الحقيقة, ça fait que aggraver, ربما. أما avec ce din, la solution elle avec ce din, avec cette sharia. قال فوضع الشارع للجرائم والتجريئات حدودا تردع من أو عن مواقعتها وتخفف من وطئتها من القتل والقطع والجلد وأنواع التعزيرات. Plusieurs peines qu'on ne va pas détailler là, il y en a fait kutub al-fiqh, comme vous le savez, kutub ou kitab al-hudud, il détaille avec des versets du Coran, avec des hadiths, que ce soit Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dans les kutub de fiqh. Il y a un bab kitab al-hudud, et c'est détaillé. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est pourquoi ces hudud que beaucoup d'ennemis de l'islam ils combattent, et beaucoup d'ignorants ils ne comprennent pas. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il les a légiférés et l'utilité de ces hudud. C'est ça qui nous intéresse nous. قال وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل حسن الشريعة. تأملوا لقوله العاقل. أي celui qui a un عقل سليم. Il a une raison, il est على الفطرة. Et sa raison, elle n'a pas été polluée par al-bid'a ou al-khurafat ou al-ta'athur bil-kuffar. Elle n'a pas été polluée avec la démocratie, avec la laïcité, tout ce char, tout ce dhulm. Fahada, il va comprendre que ces hudud fiha khayr azim. Falihada, qala jalla wa ala wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ça y a été ma'ala kalam Cheikh Sa'di wa kalam Ibn Kathir an al-aya. ولكم في القصاص حياة. الله سبحانه وتعالى يتمدخلنا في القصاص. القصاص الحدود. C'est les peines, les sentences. ولكم في القصاص حياة. أي la vie, elle est dans ces peines. Lakin, qui c'est qui va comprendre هذا? قال عز وجل يا أولي الألباب. الباب c'est le جمع de لب واللب c'est العقل, c'est la raison. Donc celui qui a une raison saine, il va comprendre هذا. Il va comprendre. Anna, celui qui tue, il se fait tuer, c'est ça sa sentence, sans rentrer bien sûr dans les détails. Est-ce qu'il va payer diya amla? Est-ce qu'ils vont lui pardonner amla? Ça, tout ça, c'est des masailles fil fiqh. Lakin, pour simplifier, celui qui tue, la sentence c'est qu'il se fasse tuer. هذا فالحقيقة celui qui est objectif et qui a une raison saine, il est à la fatra, il comprend هذا أنه, c'est pas une injustice qu'il subit, أنه lui-même il l'a fait. Thomas, tu regardes les conséquences, أنه ça va être une leçon pour tout le monde, et كذلك c'est une rahma pour la famille. أنه ils ont perdu matalan cet enfant qu'ils aiment tant, Thomas la peine elle est établie sur celui qui a été injuste envers cet enfant, فلاشك أنهم ça les soulage. Même s'ils vont rester tristes, même, lakin, la hikma, elle est azim. La hikma, c'est un bien pour celui qui a tué, c'est une kafara pour lui. Et indallah, il a payé ce jarima, ce crime qu'il a fait, il a payé fi dunya, et il a enlevé la vie d'un autre, lui-même, il a perdu sa vie. La hikma, il a payé. Kadhalik, c'est une rahma pour la population. Les crimes, ils vont baisser. Il y en a celui qui va tuer, c'est ce qu'il risque. Contrairement à certains systèmes qui sont fondés sur la corruption, sur le mensonge, l'avocat, il vient, lui-même, il sait que son client, il a tué, et il fait tout pour mentir pour le sauver. T'as déjà vu un vol mitl hada? Anahu, il sait. Hatta, ta'lamounana, les avocats, ils parlent avec leur client, et il lui dit, est-ce que t'as tué? Il lui dit, na'am. Donc, on va chercher un moyen pour te défendre, mais il doit savoir la vérité. Donc, il lui dit, na'am, j'étais là, j'ai fait ci, j'ai tué foulain. Thumma, il le défend, mais qu'est-ce que c'est? Alors que Sharia là, il a tué, il y a les preuves, il se fait tuer. Il n'y a pas besoin de défense, s'il y a des preuves. Lakin al-zulm. Kadhalik, c'est une rahma pour la famille qui a perdu cet enfant. Anna, ce criminel qui leur a fait du mal, au moins, il n'est plus là. Hada. Qala, rahimahullah, wa kulluha fiha min al-manafi' wal-masalih al-khassa wal-amma ma ya'rifu bihi al-aqil husn al-sharia. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون هكذا قال عز وجل وأن الشرور لا يمكن أن تقاوم وتدفع دفعا كاملا إلا بالحدود الشرعية ça c'est important أن هذا الشر que ce soit les vols, que ce soit les meurtres, que ce soit la drogue, que ce soit les viols, que ce soit toutes ces jaraïm qui font du mal aux ibad, le seul moyen pour les repousser daf'an kamilan, c'est ces hudoud. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala imel baraka. Et on a un exemple vivant à notre époque, c'est al-mamlaka al-arabiyya saoudiya. Hada al-bilad qui applique hadith sharia wa lillahi alhamd. Ceux qui sont partis, hunak, tu ressens al-amn wa al-aman. Où que tu ailles. Limadha li'anna des générations, ils ont été éduqués à la din wa lillahi alhamd, à la tawhid khassa. Et كذلك الحكومة applique هذه الشريعة فتو le ressens في البلاد et في العباد. Et plus le pays est éloigné de هذا الدين et de cette شريعة, plus tu ressens الظلم والقتل والقتال والنهب والسلب etc. قال وأن الشرور لا يمكن أن تقاوم وتدفع دفعا كاملا إلا بالحدود الشرعية التي رتبها الشارع. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a révélé cette sharia à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fait les murattaba. Et chaque chose à sa place. Chaque peine par rapport à un crime. Bien sûr, avec des chourouts, le voleur, il doit se faire couper la main à partir d'une telle somme. Kadhalik, comme on va préciser, anna hadhi sharia, hadhi al-hudud, allati yaqoumu biha, c'est le sultan, c'est l'amir. C'est pas tout le monde. Il y en a si les portes elles sont ouvertes à tout le monde, كذلك, ça sera le fawda. Il y en a un tel, il va accuser un tel de meurtre, il va le tuer. Thumma, l'autre, il va, la famille de l'autre, ils vont accuser que cette personne a tué leur proche, ils vont le tuer. Thumma, ça s'arrête plus. Là, c'est hudud, c'est l'amir. C'est le hukoum. C'est pas tout le monde. Le musulman qui a reçu, il a subi une injustice, il se plaint. عند الدولة الدولة على بليك سبل فسيسا الواجب أما أغير سيبورت على كل مون فلا قال إلا بالحدود الشرعية التي رتبها الشارع بحسب الجرائم قلة وكثرة وشدة وضعفا. Donc, par rapport au nombre, il y aura des peines. Par rapport à la gravité, واحد qui blesse un autre, c'est pas comme واحد qui tue. Enfin, la sentence, elle sera par rapport à la gravité. هذا كلام الشيخ سعدي رحمة الله عليه et son but المثال الحادي عشر le onzième exemple c'est de démontrer أن ces حدود الله سبحانه وتعالى il les a révélés في القرآن الكريم à son messager صلى الله عليه وسلم et في الحقيقة c'est une رحمة. Est-ce que ces حدود مثلا واحد qui n'a jamais volé est-ce qu'il risque de se faire couper la main؟ لا. Donc c'est pas du ظلم. Sans ces حدود نعم. Sans ces حدود le système judiciaire, là, non, Obama, tu fais une peine de prison et t'as rien fait. Ce n'est pas fondé sur l'adl ou l'insaf. Là, dans certains endroits, c'est par rapport à l'argent. Mais celui qui est droit, il risque pas de se faire couper la main ou de se faire lapider ou de se faire tuer. Celui qui est injuste, non. C'est pour ça que cette sharia, elle dérange les injustes. Elle dérange pas as-salihin. Pourquoi le kuffar combattent هذا ليل نهار لأنهم c'est des ظلمة أنهم eux-mêmes ils sont contre cette justice contre le haq لهذا ils veulent pas de cette sharia. أما الصالحون depuis l'époque du prophète sallam il a يومنا هذا la sharia les dérange en rien. Ce qui les dérange c'est le kuffar ou l'ilhad. Ce qui les dérange c'est les choses qui autorisent اللواط والعياذ بالله الهوموسيكسواليتي والجرائم و سي سا كي ديرونج. اما الحق بوركو سا ديرونج. قال الشيخ سعدي رحمه الله عليه نقرا من تفسيره عند الايه من سوره البقره ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون. قال رحمه الله اي تنحقن بذلك الدماء اي افيك سيت شريعه افيك القصاص تنحقن بذلك الدماء أي le sang des personnes il va être préservé. قال وتنقمع به الأشقياء الظلمة ceux qui veulent faire du mal كذلك ça leur sert de leçon et ils sont freinés dans leur injustice. لماذا لأن ils savent très bien que la peine elle est adaptée à leur crime. قال لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل لأن celui qui pense à tuer un tel s'il sait que il risque de se faire tuer lui-même la chèque ça va le faire réfléchir et c'est ça le but de ces قصص. La حقيقة ces قصص ces peines c'est pour aider c'est une رحمة. قال وإذا رؤي القاتل مقتولا إن ذعر بذلك غيره وانزجر كذلك si la peine elle est appliquée et les gens ils sont informés bel ils voient un tel il a été injuste il a tué il a commis un meurtre fa lui-même il s'est fait tuer bien sûr comme on l'a dit par l'amir par le sultan fa hada ça va donner une leçon à tout le monde ça va donner une leçon à tout le monde attention anna wahid il veut enlever la vie d'un autre لأنه lui-même il risque de se faire tuer. قال فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر. Et c'est ce qui se passe dans غير الشريعة. واحد الآن ربما il tue il sait que dans certains endroits maximum il peut prendre 20 ans de prison et avec les remises de peine il a après ربما il sort au bout de 11, 12, 13 ans. فربما بعضهم tellement qu'ils ont de la haine envers cette personne, tellement qu'il aura fait du mal, Shaitan va lui faciliter cette chose. Il le tue. Il sait qu'il sortira. Il a 20 ans, il sera 30 ans. Amma avec Sharia, fala. Il tue, il se fait tuer. C'est ça le haq. Amma pourquoi il s'autorise à enlever la vie de cette personne? Et c'est un dhamb adhim. Et lui, sa sentence, ça serait que 10 ans de prison. Est-ce que si on se met à la place de la famille, hein, on se met à la place de cette mère qui a perdu son enfant, est-ce que pour elle, c'est la justice? Elle a perdu son fils, elle ne le verra plus jamais. Et cet homme qui a tué son fils, elle sait très bien qu'il a pris que 10, 15 ans. Et elle sait que ça passe très vite. Thumma, elle est informée, Rubama, que le meurtrier il est sorti, il a refait sa vie. Est-ce que pour le munsif, celui qui est juste, est-ce que pour cette mère, pour ce père, c'est la justice? Abadan. Abadan. Et ceux qui ont été éprouvés par hada, ils reconnaissent hada, ya'lamoun hada. قال لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على الحكمة أو على حكمة الحكيم الغفار. Celui qui médite sur ses hududes, il s'apercevra que ça fait partie de la sagesse d'Allah Azza wa Jalla, al-Hakim, al-Khabir, al-Ghaffar, al-Rahim. Tout ça c'est pour le bien des êtres humains. لكن كثير من الناس يبل بالحق. قال ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته لا أو لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب النقية كأنها النقية كلمة لا واضحة. قال والألباب أو الثقيلة ينظر. قال والألباب النقية خصهم بالخطاب دون غيرهم. ذك كثير من الناس ils comprennent pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala il a cité cette mas'ala wa lakum fil qisas hayatun. Ta'ammal lafd al hayat. En plus il est cité nakira. Hayatun ya'u lil albab. Allah subhanahu wa ta'ala il a démontré dans le verset que ceux qui comprendront hada c'est ulul albab. Ceux qui ont une raison saine, ils sont ala al fitra. Amma al mu'anid. Al kafir al mujrim, al kadhib. Il veut pas le haqq. Il n'a pas d'insaf, il n'a pas de l'adl. Voilà où tu laisses tout ça, il ne comprendra pas les manas, il ne veut pas comprendre. Mais il n'y a aucun doute que c'est le haqq. Celui qui se fait tuer, il mérite de se faire tuer. Celui qui vole, il se fait couper la main. C'est min al-adl. Et c'est min al-haqq. Tu trouves, va'duhum, il dépasse les limites. Robbama, il se fait voler quelque chose de futile. Et il se venge lui-même, il tue le voleur. Ça, c'est min al-dhulm. Ça, c'est min al-dhulm al-kabir. Il a volé, il ne mérite pas le meurtre, il ne mérite pas de se faire tuer, il a fait une faute. Falhaq, dans ce cas-là, c'est si cet objet qu'il a volé, il a atteint une certaine valeur, il se fasse couper la main. C'est ça l'adl. Ni exagérer, le tuer, ni rien lui faire. Là, l'adl, al-haq. Hada kalam, al-shir sa'di min tafsiri. Wa kadhalik al-imam ibn Kathir, il a cité des nukulat an sa'id fima athkur an qatada, annahum. Et ils ont démontré hada, annahu, c'est pour le bien des autres. Il s'est fait tuer, l'imad ali annahu il a tué, et c'est une leçon pour tout le monde. Et fait le haqiqa, il n'y a aucune injustice. Ils n'ont pas tué un innocent là, ils ont tué quelqu'un qui a tué. Et fait le haqiqa, même eux, ils étaient à la hada. Al-Kufar an ki harb al-Sharia, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des endroits, nahum, si on prend l'exemple. Si on prend l'exemple de la peine de mort, enfin, dans beaucoup d'endroits qu'ils n'appliquent pas Sharia, ils appliquent la peine de mort. Les anahum, ils savent l'utilité. نعم الثقيل أحسنت ولما كان هذا الحكم لا يعرف أو لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة. نعم تمام بارك الله فيك. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في مقال إلى منشور في موقعه بل نختصر الكلام قال بل يجب الفرح بإقامة الحدود لأنها من مصلحة المجتمع وحماية الدين وحماية الأمن وحماية الأموال وحماية الأنفس. Celui qui est objectif et qui veut vraiment le خير في الحقيقة كما قال الشيخ يفرح. Il est content si cette charia, ces hudud, ils sont appliqués. Limada, l'annahu, c'est pour préserver le din, c'est pour préserver l'amn, la sécurité, c'est pour préserver les biens, c'est pour préserver l'anfus. Falihada, falhaqiqa, on a dit, anna ceux qui sont pas satisfaits, qui veulent pas de charia, falhaqiqa, c'est ceux qui sont injustes. Ou un ignorant, un jahil, qui répète ce que les autres disent. Amma, celui qui a étudié le sujet, il sait très bien que celui qui est juste, qui est droit, il est gagnant avec charia. Lianna, il ne risque pas de peine. Personne ne lui coupera la main ou le tuera. Il n'a rien fait. Et كذلك, ses biens sont préservés. Donc il est gagnant. Et celui qui est perdant, c'est le mujrim. L'imad, il ne peut plus voler, prendre les biens justement. Et s'il fait quelque chose, une sentence. Donc, al-salih, al-muslih, al-taqi, il yafrah bil-sharia. Et le mujrim, al-kha'in, al-kadhab, La chakannahu, ça le dérange. Qala, fa fiha muqawwamat al-amn, wa fiha ta'min al-turuq, wa al-musafirin. Sahih. Et ça, tu le vois dans les bilades où cette sharia n'est pas appliquée. Farubbama fi safar, et tu risques à tout moment de te faire voler, etc. L'imad al-anna, ces personnes qui vivent dans ce bilad, ils n'ont plus hadar khouf. Hatta dans certains bilad, barubbama des enfants, ils défient la justice, la police. L'imad al-annahum, il n'y a plus cette chose qui fait peur pour mettre chacun à sa place. Thumma, il critique مثل المملكة العربية السعودية qui a fait un effort عظيم في هذا, qui subit des pressions ليل نهار et qui applique هذه الشريعة comme c'est cité dans le Coran et dans le Sunna, il la critique ليل نهار. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir avec des enfants ربما. هذا c'est من الظلم. أعجب من ذلك أن بعض المسلمين يصدقوا يطعن في المملكة العربية السعودية ليل نهار alors qu'il a jamais été, il connaît rien. Il a vu un reportage à la télé, فقط, et il est impressionné par le kuffar. Ils ont la justice, il y a l'égalité, il n'y a pas de corruption. Et tout ça, c'est du kadib. Les mains, ils fonctionnent, ils réfléchissent avec le mauvais mizan. Et c'est ça, celui qui réfléchit, comme Amr Allah, il s'apercevra que le haq, c'est dans le qisas. Ce n'est pas dans le mutaba'at du kuffar. Il dit, فكيف يتلاوم بعض الناس على إقامة الحدود؟ شيخ الفوزان après avoir cité que c'est un khayr, il pose la question comment بعض الناس ils acceptent pas et pensent que c'est du shar. ويستعظمونها وقد يقولون هذا ينافي الحرية هذا ينافي الديمقراطية. هكذا يقولون. Ils vont dire que c'est contraire à la démocratie, c'est contraire à la liberté. Quelle liberté? أنه il a tué, il a volé. C'est un mujrim. Ils font pas ce sharia. Et c'est ce que Ba'd al-Juhal pense. Les sentences, elles sont appliquées sur des innocents. Al-Hurriya, la liberté, c'est qu'ils ne fassent pas du mal aux autres. L'imada, il va faire du mal aux libertés des autres. Leur à moi, leur vie, injustement, maintenant, il le tue. Est-ce que c'est ça al-Hurriya? Tout ça, c'est un kalam fariq. Na'id, qalu yasta'zimunaha wa qad yaqulun hadha yunafi al-Hurriya, hadha yunafi الديمقراطية أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي يصعب التلفظ بها. صحيح. Ils ont des كلمات والله المستعان يصعب التلفظ بها أي في الطعن في دين الله والطعن في شريعة الله عز وجل. Des critiques et des choses نعوذ بالله. Et celui qui critique هذه الشريعة il pense qu'elle n'est pas compatible ويطعن فيها يطعن في الله عز وجل. لأن celui qui a instauré qui a révélé cette شريعة c'est Allah عز وجل. Celui qui l'a appliqué, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Falhadar, akhi al-muslim. Al-hadar, al-kafir, yata'an la yubali, il n'a pas de din, huwa. Il est perdant. Amma anta, t'es un muslim, et t'aimes Allah et t'aimes son messager, pourquoi tu détesterais des lois ou des sentences que Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré. Et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a appliqué l'imada. Pourquoi se contredire? Si t'aimes Allah et t'aimes le Rasoul, tu dois aimer ses sentences. C'est Allah qui les a révélées. Et le prophète sallam il les a appliqués. Amma al-kafir il déteste Allah azza wa jalla, il déteste son messager, yata'anuna fihi layl nahar. Donc se moquer de sharia, fa al-haqiqa ils se contredisent pas, c'est des kuffars. Amma anta ayyuha al-muslim ihdhar ha'ula, leur but c'est que tu perdes ton dit faqat. Qala wa ma ashbaha dhalik min al-kalimat allati yas'ub at-talaffuz biha, fa'ala al-muslim an yaqtani' بدين الله أو بشرع الله ولا يعترض عليه. Donc ça c'est important. أخي الكريم, ton دين c'est une نعمة. فاشكر هذه النعمة. هذا الدين c'est une نعمة. Donc لا يجوز الاعتراض. أي être contre الشريعة. Pourquoi? لأن la démocratie أو ce qu'ils appellent la liberté أو leur droit de l'homme c'est contre. أين ton دين؟ لابد تقتنع بشرع الله كما قال الشيخ هنا. لماذا؟ لأن اتدي أولا لا شوز ثم ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ça va te faciliter. هذا الدين c'est حق. الدين c'est pas une étiquette فقط. Je suis un musulman, j'ai un prénom musulman, ثم je suis contre الشريعة. Être contre la charia, c'est être contre le Coran. Tous les versets, toutes les sentences, ou la plupart des sentences, elles sont citées dans le Coran. Que ce soit qat' yad al-sariq, que ce soit al-rajm, que ce soit al-qatl al-qatil, tout ça c'est cité dans le Coran. Enfin, pourquoi être contre? Muslim, ça veut dire se soumettre à Allah Azza wa Jal. C'est un muslim, si on veut simplifier avec leur traduction. C'est se soumettre à Allah Azza wa Jal. Tu te soumets à quoi? À sa charia. Enfin, si tu es un muslim, tu es soumis à cette charia, pourquoi tu serais contre? Tout ça c'est le kuffar qu'ils ont mis ces choubouhats. Amma le muslim, il est contre l'injustice, il est contre le vol, il est contre le meurtre, il est contre tous ces chourours, toutes ces maladies. Non. Et il sait que la solution pour préserver les biens et les personnes, c'est sharia. Donc, il n'y a pas lieu d'être contre. Là, le monde où qu'on vit, si tu dis que tu es pour, celui qui a une place, qui a une responsabilité, il subit des pressions. Là, il y a un لا تطعن في دين الله même si tu peux pas démontrer que c'est un khayr فلا تطعن في دين الله et tu montres que le haq ou la liberté ou le khayr c'est dans la démocratie la laïcité là sallallahu alayhi wa sallam on vit dans une époque ان المسلم يدمند الثبات وان الله سبحانه وتعالى لا يبتليه به هؤلاء المجرمين وفي حديث عبادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى منكم حدا تأملوا رحمة هذا الدين. Et on cite pour conclure ce hadith pour démontrer à نحن on parle pas في الحقيقة الكافر c'est un كافر مجرم في الحقيقة il déteste l'islam إلا من شاء الله سبحانه وتعالى أن يهديه. Et si il médite il est objectif ربما il comprendra. لكن كثير منهم ils veulent pas le حق ils veulent pas comprendre. لكن نحن الآن خاصة on conseille nos frères musulmans تأمل ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que tu aimes, que tu respectes, t'amal, qu'est-ce qu'il va dire par rapport au hudud hatta tu ne le contredis pas par rapport à ses sentences. Les kuffars ils essayent de les salir layl nahar. T'amal nabiyak Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mada qala qala sallallahu alayhi wa sallam kama fi hadith Ubada radiyallahu an man ata minkum haddan fa uqim alayh fa huwa kafara. Celui, minkum, ay minal muslimi, qui vole, ou qui tue, ou qui fait un crime, et la peine, elle est appliquée sur lui, fa uqima alayh, ay l'had, fa huwa kafara. C'est une kafara pour lui. Ay Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne. Il lui pardonne. S'il a tué, s'est fait tuer, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne. Fa fil haqiqa, c'est une rahma. On n'a pas le droit d'être contre. On n'a pas le droit de ressentir de la gêne. Abadan. الحديث اللي في صحيح مسلم يا دوتخ الفاظ وفي صحيح مسلم أيضا لما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بالزنا ماعز يبيبي على الوقت دو بروفيت صلى الله عليه وسلم et il est venu voir le Nabi صلى الله عليه وسلم et il a admis il a reconnu qu'il avait fait الزنا l'adultère وقال أي ماعز أي قوة الإيمان. Ça montre qu'un mu'min, il peut, ça arrive, on sallallahu alayhi wa sallam, qu'il glisse, qu'il fasse un dhim. Lakin, quwwat iman ma'iz, annahu il a regretté, et il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, tahirni, tahirni. Tu comprends quoi de hada? Tahirni, ay ma'iz, il a voulu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il applique sur lui la sentence, pour que Allah il lui pardonne. Donc c'est une rahma. Qala ma'iz, tahirni. أي بإقامة الحد قال له صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله واتب إليه. النبي صلى الله عليه وسلم إلى دمطخة ماعز et ça c'est العلماء ils expliquent أن celui qui a fait une faute qui a fait un dhimb qui a commis cette injustice qui mérite un had si personne ne l'a vu فيتب إلى الله ويستغفر يا الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. أما si il a été vu, il y a des témoins et la peine elle est appliquée sur lui, et Ma'iz il a voulu hada. Il a voulu que la sentence elle soit appliquée sur lui, c'est une tahara pour lui. Et hakada al-muslim il doit reconnaître que c'est un khayr. Fa uqima alayhi al-had radiyallahu ta'ala anhu. Hada ma yata'allaq bi hadhihi al-mas'ala et elle est importante. Mais il y a le hudud, le musulman, il revient à l'ilm, ceux qui ont compris هذا القرآن هذه السنة ويحذر كل الحذر من أعداء الله. أعداء الله خاصة في هذه الأيام il parle que beaucoup de l'islam, il parle de ces sujets. Enfin, n'espère pas, Akhi al-Karim, comprendre ces sujets par l'intermédiaire des ennemis d'Allah, qui détestent Allah et son messager. Là, il revient à Mithl, Ha'oulal A'imma, on a cité Kalam Sheikh Sa'di, on a cité Kalam Sheikh Al-Fawzan, revient à Tafsir ibn Kathir, revient aux savants qui ont expliqué le Coran dans les versets qui sont liés aux hudoud, aux sentences, et tu verras que fil haqiqa wala shak wala raib c'est un khair pour le muslim ou pour غير المسلم ولكن اكثر الناس لا يعقلون. نسال الله سبحانه وتعالى الثبات والعافيه ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.